On n'a pas de parents à la baraque, on est 40. Y'a les mecs qui t'arrangent dans tes carrés, ceux qui te carottent. Y'a ceux qui garoffent, qui galopent, qui galopent, les galouches qui trahissent pour une galop, une galoche. Là je suis au calot, calé, j'écris pour me calmer. Je suis qu'un homme armé, illégalement hargneux. Du calme, je fais du buzz mais j'ai pas encore décollé. J'ai calmé des burras sans ceux qui m'ont épaulé. Oh, toi je te rappelais, comment je peux l'épeler. Pas une fois tu m'as appelé, tu manges à tous les râteliers. Mais respecte-moi si tu veux que je te respecte. J'ai l'instinct, tu me testes, hein, tu veux être le best. Tu te confies à mes ex, on t'aime bien manger les restes. On a bien grandi ensemble mais t'as retourné ta veste. Le maléfice est magnifique, au début tout est magnifique. En tes façons d'inspirer ma zik, faut que tu participes. Au début tout est magnifique, le maléfice est magnifique. En tes façons d'inspirer ma zik, faut que tu participes. Enfant on sort plus, nos âmes naviguent sous la plume. Des amis on a peu, alors on se confie à notre plume. Y'a que ça qui nous plaît, ça rétablit nos plaies, nos rires. Ça me fait plaisir quand je t'enchaîne mes couplets. Mais y'a des jaloux qui traînent dans tous les coins. Ça tend des pièges jaloux et alhamdoulilah on s'en sort bien. L'adjoint, tu le sais bien, ça trahit de coin en coin. Ça fume de joint en joint, alors je sors de moins en moins. Un jour ça peut aller, un jour on veut s'en aller. S'éloigner pour oublier cette misère qui veut nous noyer. Frérot, tu te rappelles, avant on se marrait. Maintenant ça a changé, on veut se noyer dans la marée. Marre de ces sourires qui te montrent que des services. Après on te laisse pourrir parce que l'autre a le VR6. Y'a qu'à voir que je remercie, que les choses s'éclaircissent. Non je dois rien à personne, on en fait seulement nos exercices. Le maléfice est magnifique, au début tout est magnifique. En tes façons d'inspirer ma zik, faut que tu participes. Au début tout est magnifique, le maléfice est magnifique. En tes façons d'inspirer ma zik. Laissez-moi partir, ne me retenez pas. Ne vous méprenez pas, j'oublierai pas mes premiers pas. J'oublie pas d'où je viens, pour savoir où je vais. Poteau, j't'ai pas attendu quand personne voulait m'ouvrir. Quand je voulais m'ouvrir. Tu veux savoir encore pire. Ben, j'gardais le sourire quand j'avais pas où dormir. Quand j'avais pas où dormir. Le maléfice est magnifique. Le maléfice. Au début tout est magnifique. Au début tout est rose. Hein. Inspirer ma zik. C'est beau, hein. Faut que tu participes. Au début tout est magnifique, hein. Le maléfice est magnifique. En tes façons d'inspirer ma zik. Faut que je pars, je suis là pour toi, etc. Alors on vit ensemble.